La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Millions de personnes en France respireraient mal avec de l'asthme, gêne respiratoire, quinte de toux, sèche, sensation d'oppression dans la poitrine, respiration sifflante sont les symptômes de cette maladie chronique due à l'inflammation des bronches. Et aujourd'hui, 7 mai, c'est donc la journée mondiale de l'asthme avec pour thème cette année l'asthmatique et ses proches. L'occasion avec mes invités pneumologues donc de répondre à toutes vos questions pour aborder les avancées de la recherche, les perspectives thérapeutiques et les mécanismes bien sûr de l'asthme. J'attends dès maintenant toutes vos questions, vos témoignages. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et c'est un trésor gaulois qui est aujourd'hui à la une de la science. Et oui, le trésor de Tavers, c'est dans le Loiret, une collection de bijoux datant du 6e siècle avant Jésus-Christ et dont l'histoire mouvementée vient de se terminer. On vous raconte tout dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique du docteur Dupagne consacrée cette semaine à la vaccination préventive contre le cancer du col de l'utérus qui suscite une nouvelle polémique. Frédéric Milano réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, on va parler de l'asthme dans un instant dans notre dossier à l'occasion de cette journée mondiale. Et pour en parler, répondre à toutes vos questions avec mon studio, Camille Taillé, pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour à vous. Et puis en duplex des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes, le pneumologue Antoine Magnan. Bonjour. Bonjour. Camille Taillé, le thème de cette journée donc mondiale, c'est l'asthmatique et ses proches. Pourquoi le cercle familial, l'entourage, c'est très important dans cette maladie du point de vue de la vigilance? C'est extrêmement important et quand on interroge les asthmatiques, notamment des asthmatiques sévères, sur leurs plaintes vis-à-vis du vécu de la maladie, ils disent souvent « je suis seul avec ma maladie » et ils expriment toujours cette difficulté de partager les sensations avec leurs proches, leur famille et encore pire avec leur environnement professionnel. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'il y a une vraie méconnaissance finalement de la gravité, on peut le dire aussi, de cette maladie? Tout à fait, et ce qui est pire encore, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas, être essoufflé, ça ne se voit pas. Donc souvent les patients sont... accusé, entre guillemets, de faire semblant, de maximiser leurs symptômes, notamment au travail. Mmh. Et ils ont beaucoup de mal à faire reconnaître leurs difficultés dans la vie quotidienne. Ouais, on verra avec vous qu'il y a beaucoup d'effets collatéraux, justement, de la maladie sur l'environnement du malade, comme la vie professionnelle, par exemple. La vie professionnelle, la vie familiale, le fait qu'il faut réorganiser les vacances, le fait que parfois on n'est pas tout à fait capable d'assurer les tâches familiales, sur l'éducation des enfants. Et puis même parfois, il y a des retentissements financiers qui peuvent être importants quand on perd son travail, lorsqu'on est en arrêt maladie prolongé. Donc ça peut aller extrêmement loin, oui. Antoine Magnan, l'asthme, donc, c'est une maladie très fréquente. On en connaît très bien les causes. Aujourd'hui, tout ça est bien identifié ou pas? Non, on connaît beaucoup de causes, hein, et beaucoup de facteurs qui interagissent les uns avec les autres. Donc la cause la plus simple à expliquer et puis qui intéresse quand même les deux tiers des asthmatiques, c'est l'allergie. Mm-hmm. Parmi les allergènes qui sont le plus souvent en cause, les acariens. Mais c'est facile à expliquer et ça représente beaucoup de malades, mais il y a beaucoup de malades non allergiques aussi. 30% des patients sont porteurs d'un asthme non allergique. Mm-hmm. Et là, les mécanismes immunologiques sont de mieux en mieux connus, mais les causes véritablement sont mal connues ou peu connues. Est-ce que les recherches récentes laissent espérer des traitements plus efficaces pour les prochaines années? Alors oui, depuis maintenant une dizaine d'années, on voit bien que l'asthme en fait revêt de multiples facettes et que en disant les patients asthmatiques, en fait, ce sont des patients porteurs de maladies qui sont différentes les unes des autres, avec des mécanismes qui sont différents. Et en identifiant les mécanismes précisément, on identifie des cibles précises et donc des médicaments précis qui, en étant efficaces, ne le sont que chez certains patients. Et donc c'est à la fois l'intérêt de la recherche dans l'asthme qui devient de plus en plus une médecine personnalisée, mais aussi sa difficulté. Allez, aujourd'hui, 7 mai, journée mondiale de l'asthme. Et donc on en discute dans le dossier dans un instant. Et toutes les questions des auditeurs, je vous les pose en direct sur franceinter.fr. Merci beaucoup tous les deux et à tout de suite. Oh, oh, trésor. Oh, mon trésor. Et c'est le trésor de travers et ces rebondissements que nous évoquons aujourd'hui, Axel Villard, à la Une de la Science. Oui, le Mathieu et le tout sur un fond d'archéologie clandestine. Ce butin exceptionnel de bijoux et de miniatures datant du 6e siècle avant Jésus-Christ a été déterré en 2012 lors de fouilles illégales dans le Loiret. Après 7 ans de polémique et un classement comme trésor national, la collection complète vient d'être vendue au musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. C'est un soulagement pour les archéologues et l'occasion de parler aussi de pratiques illégales. Avec vous, Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, ancien président de l'INRAP. Alors, avant d'entrer dans cette histoire à tiroir, parlons un peu du butin. Quelles sont les pièces qui composent ce fameux trésor de Tavers? Il y a à peu près une soixantaine d'objets, essentiellement en bronze, enfin en alliage cuivreux, pour être précis. Quelques objets en fer, dont une pointe de lance. Donc, quand on parle de trésor, c'est plutôt les bijoux. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques torques, donc ces colliers rigides, ornés, et des morceaux de torque, et puis des anneaux plus petits qui peuvent être portés soit en bracelet, soit en anneaux de jambes. Donc c'est des parures féminines. Et puis il y a une hache, et puis des petites haches toutes petites, donc pouvant pas être utilisées, qu'on interprète souvent comme une sorte de pré-monnaie, comme il en existe dans d'autres régions du monde. Voilà. Qu'est-ce qui rend cette découverte importante? C'est le nombre ou c'est l'âge des pièces qu'on a trouvées? C'est l'ensemble, parce que ça fait beaucoup à la fois. Une période pour laquelle, dans cette région, donc on est à côté de Beaugency, on n'a pas beaucoup de choses, et donc ça donne une idée à la fois de la capacité des élites à cette époque de thésauriser, parce que ça représente quand même une certaine valeur. Et puis aussi, si on veut rentrer dans le détail, le type de décor, etc., montre qu'on est à la limite de deux grandes zones culturelles qui se partageaient la Gaule au VIe siècle. Donc c'est un beau patrimoine historique. Oui. On va rentrer un petit peu dans l'histoire de ce trésor. Et est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui la manière dont il a été découvert? Apparemment, c'est deux fouilleurs clandestins qui sont allés sur un site archéologique qui était déjà connu, hein, notamment en faute aérienne, dont on savait qu'il datait de toute façon de la période gauloise et gallo-romaine, et qui effectivement, avec des détecteurs de métaux, sont tombés sur cet amas d'objets, mais évidemment, ne disposent que de leur témoignage oral, puisqu'il n'y a pas d'autres documentations. Et ensuite, une fois que ça a été connu, quand des fouilles scientifiques ont été menées, notamment par mon collègue Pierre-Yves Milsan de l'université de Toulouse, en fait, on n'a pas retrouvé la fosse qui devait être très peu profonde, et on n'a pas retrouvé d'autres objets de la même époque. On a trouvé du gaulois interminal et du gaulois romain. Mais donc, c'est aussi l'un des problèmes de cette archéologie, de ces fouilles clandestines en général, c'est qu'on a les objets, mais on n'a pas du tout le contexte. Donc, Mais les objets en 2012, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont un peu. Ces deux clandestins sont un peu dépassés par leur trouvaille, préviennent quand même la société archéologique locale, préviennent le propriétaire du terrain et finalement le laissent au propriétaire. Et à ce moment-là, c'est deux commissaires-priseurs qui reprennent un petit peu le trésor en main, avec pour but de le vendre aux enchères. C'est ce qui s'est passé, une somme importante. Oui, leur intervention était absolument pas nécessaire, parce que une fois que normalement, enfin si le travail était fait correctement, l'État aurait dû saisir ces objets puisque c'était illégal. Mais le temps a passé, donc il y a un délai de prescription. Mais à ce moment-là, ça aurait pu néanmoins être acheté par un musée, ce qui a fini par se faire. Mais il y a deux commissaires-priseurs qui sont arrivés dans le jeu, dont on n'avait pas besoin. Leur métier est de gagner de l'argent, donc on ne peut pas leur reprocher, mais en tout cas, ça n'a fait que compliquer les choses, puisque à ce moment-là, ils ont entrepris d'organiser une vente aux enchères, ils ont fait un peu de la publicité, il paraît que même des États du Golfe, où il y a des nouveaux musées, étaient intéressés. Ça aurait monté jusqu'à 1200 000 euros. On peut estimer financièrement un trésor du 6e siècle avant Jésus-Christ comme celui-là, Jean-Paul Demoule? C'est difficile à estimé, c'est les lois du marché. Il a finalement été vendu pour 50 000 euros, ce qui me paraît beaucoup, si vous voulez, pour il n'y a pas de métaux précieux dedans, il n'y a que l'intérêt historique. Peut-être que 20 000 auraient été suffisants, il aurait dû de toute façon être saisi. Ce genre de fouilles aux détecteurs de métaux sont illégales partout sur le territoire, Jean-Paul Demoule ? On a le droit d'avoir un détecteur si vous voulez faire de la détection sur la métallique plage, dans votre jardin. Oui, vous avez parfaitement le droit. Il y a beaucoup de gens qui le font sur les plages en fin de saison en espérant retrouver des trésors des là aussi. Voilà, c'est ça. C'est utilisé dans les travaux publics pour repérer les tuyaux, etc. Et pour le déminage, évidemment. Mais il est strictement interdit de faire ça sur un site archéologique connu. Et deuxièmement, si vous trouvez quelque chose... Il faut le dire. Il faut le déclarer immédiatement. Tout de suite. Voilà. Est-ce que quand même, malgré tout, des chercheurs, on va dire, clandestins continuent de chercher et de trouver des choses sur notre territoire, même de les vendre ? Absolument. Si vous vous promenez sur eBay, vous verrez chaque jour plusieurs dizaines d'offres de monnaie de toutes époques. C'est un phénomène tout à fait alarmant. Moi, je suis plutôt préhistorien, donc il n'y avait heureusement pas de métal à cette époque, mais ça concerne dès l'époque gauloise, époque romaine, médiévale. Ça concerne des tas de périodes. Donc ce phénomène des fouilles clandestines aux détecteurs de métaux est un phénomène extrêmement préoccupant. Il y a des pays en Europe, par exemple l'Angleterre ou le Danemark, où les fouilleurs, on va dire, du dimanche peuvent être associés avec les archéologues pour faire des découvertes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système comme ça en France ? Le problème est que ce système encourage encore plus de maniement de ces détecteurs. Alors au Danemark, qui est à la fois un petit pays avec une très longue tradition archéologique citoyenne et un pays protestant, ça marche à peu près. Je pense que si tout le monde avait le droit de faire ça en France, ça serait encore bien pire. Mais on pourra voir en tout cas au musée de Saint-Germain-en-Laye le trésor de Tavers parce qu'il risque d'être exposé bientôt. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Et le trésor national donc en l'occurrence. Oui, il a été classé. C'est une procédure qui empêche les objets de sortir. Ouais. Jean-Paul Demoule, le nom du dernier ouvrage dont vous êtes l'auteur avec Dominique Garcia. Et Alain Schnapp, c'est une histoire des civilisations, comment l'archéologie justement bouleverse nos connaissances aux éditions de La Découverte. Absolument, et ça fonctionne très bien pour ce livre et c'est tout à fait heureux. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. La tête au carré. Merci Axel, à demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les pertes de vision des astronautes pourraient venir d'un surplus de liquide dans le cerveau. Sur Terre, la gravité attire les fluides corporels vers les pieds, mais dans l'espace, ça n'est plus le cas. Eh bien, une équipe russe montre que sur 11 astronautes que la place occupée par le liquide céphalo-rachidien augmente en moyenne de 11% pendant leur voyage dans l'espace et reste supérieure à la moyenne pendant au moins 7 mois après leur retour sur Terre. Les chercheurs pensent que cette pression interne pourrait engendrer des effets divers, comme par exemple les problèmes de vision dont se plaignent très souvent les astronautes. Une drôle de découverte archéologique là aussi en Bolivie. Dans le sud-ouest du pays, des chercheurs ont trouvé une sépulture humaine datée de 1000 ans et remplie de drogues en tout genre. Un paquet contenant 2 comprimés, du tabac prisé, un tube pour fumer, une bourse composée de 3 museaux de renards cousus ensemble. En analysant l'intérieur de cette bourse, les chercheurs ont identifié de multiples composés psychoactifs issus de plantes, de la cocaïne, du DMT, de la psilocybine, un cocktail subtil et inédit de substances hautement hallucinogènes qui devaient certainement, donc il y a 1000 ans, appartenir à un chaman aguerri. Et puis pour terminer, un millepattes vieux de 100 millions d'années, le très beau spécimen retrouvé dans l'Ambre en Birmanie est le plus vieux millipède découvert à ce jour, bien qu'il vivait parmi la mégafaune du Crétacé. L'animal est plutôt petit, 8 mm, et sa morphologie est différente de la plupart des millepattes contemporains. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sa photo sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et on parle d'asthme dans un instant, c'est le dossier de l'émission. Vous me reconnaissez ? Ah, c'est moi ! Zombé ! La mort ! Hey, bravo, Satan, hey, oh ! à grande vitesse. Je t'attendais, Zobi la mouche, les négresses vertes. La tête au carré. Sur France Inter. Aujourd'hui donc, 20e édition de la journée mondiale de l'asthme, c'est le sujet de la tête au carré avec mes invités. Camille Taillé, vous êtes pneumologue à l'hôpital Bichat, donc à Paris, et Antoine Magnan, pneumologue au CHU de Nantes. Vous êtes chercheur à l'Institut du Thorax, un organisme CNRS Inserm Université de Nantes, et vous êtes d'ailleurs en duplex des studios de France Bleu Loire-Océan. Et bien sûr, les auditeurs nous rejoignent avec toutes les questions, elles sont déjà nombreuses, sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Taillé, on le disait, 4 millions de personnes touchées par l'asthme en France, c'est beaucoup, ça concerne beaucoup de monde. On connaît tous des asthmatiques évidemment autour de nous. Est-ce que la prévalence est stagne ou est-ce qu'elle augmente au contraire ? On a l'impression que chez les enfants notamment, la prévalence continue d'augmenter lentement mais sûrement, avec une prévalence chez les enfants qui est considérée entre 10 et 12% actuellement des enfants. Et chez l'adulte, c'est 6 à 7% et ça a l'air d'être un peu plus stable, sachant que les enfants actuellement nouvellement diagnostiqués vont devenir des adultes. Et a priori, une grande partie de ces enfants resteront des asthmatiques plus tard. Ouais, on parlait du facteur allergique, Antoine Magnan. Est-ce que selon les saisons, justement, dans l'année, il y a des pics d'asthme ou c'est plutôt assez linéaire ? Non, il y a clairement un pic au moment des pollens, moment du printemps. Là, typiquement, on est en plein dedans. Donc, pour les patients qui sont allergiques aux pollens. Et puis, il y a un autre pic qui est le pic hivernal, qui est souvent, lui, plutôt lié aux infections virales respiratoires. Mm-hmm. Et notamment en janvier, la période de la grippe est un grand pic d'exacerbation d'asthme. Ouais. D'autres facteurs, Antoine Magnan, sur des périodes plus propices à l'asthme, qui ont été clairement identifiés ? Bon, comme Camille vient de le dire, il y a une saisonnalité des symptômes qui est liée à l'allergie, qui est liée au virus, qui est liée au pic de pollution. Les symptômes, c'est ce qui donne l'alerte, c'est ce qui fait consulter. Après, l'asthme est vraiment une maladie du quotidien, avec des exacerbations, c'est-à-dire pour une autre maladie chronique, on dirait des poussées, c'est-à-dire des aggravations sur quelques jours qui amènent à consulter en urgence, qui sont surtout dues aux infections virales, mais qui arrivent sur un terrain bronchique qui est le lieu d'une inflammation chronique. Comment est-ce qu'il faut décrire l'asthme d'ailleurs, Antoine Magnan, selon les degrés précisément de la maladie ? Est-ce qu'on peut parler de différentes formes très distinctes là aussi ? Alors il y a des formes très distinctes sur le plan des mécanismes. Donc il y a l'asthme allergique, il y a l'asthme qu'on appelle éosinophilique et parmi lesquels on retrouve des allergiques, mais on retrouve beaucoup de non-allergiques. Donc il y a aussi des intersections dans ces ensembles. Et puis il y a des patients asthmatiques qui sont ni allergiques, ni éosinophiliques et qui ont une inflammation différente. Donc c'est important de décortiquer tout cela parce que pour développer des nouveaux traitements, on a besoin de savoir vraiment quel est l'asthme auquel on s'adresse et avoir une véritable carte d'identité de chaque asthmatique. Camille Taillé, tout se passe quelles que soient les différentes sortes d'asthme au niveau des bronches, ça c'est quand même le dénominateur commun a priori. C'est ça, le dénominateur commun c'est l'inflammation chronique au niveau des bronches. Cette inflammation, si on la décortique comme vient de le dire Antoine Magnan, elle peut être un petit peu différente, c'est-à-dire on ne retrouve pas toujours les mêmes acteurs cellulaires, mais la grande caractéristique c'est l'inflammation bronchique et c'est cette inflammation bronchique qui va en simplifiant rendre la bronche hypersensible et qui fait que lorsqu'on rencontre un allergène, un virus ou des changements de température ou des changements d'hygrométrie, la bronche va réagir entre guillemets en faisant une contraction du muscle lisse et c'est ça qui va donner le bronchospasme qui est responsable d'une partie des symptômes d'asthme, à savoir l'essoufflement et les sifflements. Et ce bronchospasme en l'occurrence, donc il varie lui aussi selon le degré de la maladie, c'est ça ? Il peut être quasiment permanent entre guillemets chez des patients très sévères et puis chez des patients qui sont plus légers, il y a la la bronche est normale à l'état de base. Mm-hmm. La fonction respiratoire, si on la mesure, elle est normale. Et au moment où survient le bronchospasme, il va y avoir une réduction brutale du calibre de la bronche qui va donner les symptômes et la crise. Mm. Antoine Magnan, alors quels sont les différents facteurs justement qui rendent les bronches si sensibles? Parce qu'on en a évoqué quelques-uns, mais ils sont nombreux, hein. Oui, il faut, je pense, vous nous avez amené là-dessus à deux reprises et je crois qu'il faut qu'on y aille, c'est sur les degrés de sévérité. Oui. Je crois que vraiment on peut décortiquer l'asthme avec des mécanismes différents, mais ça, qu'il soit sévère ou qu'il ne soit pas sévère. Mm-hmm. Et puis il y a l'entité asthme sévère qui est véritablement à identifier. Il s'agit, c'est quasiment une maladie dans la maladie, c'est-à-dire parmi les asthmatiques, il y a les asthmatiques sévères qui jusqu'à il n'y a pas longtemps devaient être considérés comme une maladie orpheline, comme une maladie rare, une maladie orpheline. C'est une maladie, presque une maladie rare, c'est-à-dire c'est 5 à 10% de l'ensemble des asthmatiques, donc ça fait quand même pas mal. Mm-hmm. Mais c'est des patients qui, alors que les non-sévères ont une vie normale, totalement normale, ce que ce soit sur leur travail, sur leur fréquentation de l'école, sur leur activité sportive, à condition de prendre un traitement tous les jours, les asthmatiques sévères, pour eux, l'asthme fait partie de leur vie fait changer les projets, fait changer de métier. Et malgré des traitements inhalés bénins, eh bien, ils restent ce qu'on appelle mal contrôlés, c'est-à-dire avec des symptômes tous les jours qui les empêchent de faire ce qu'ils souhaitent faire. Et donc, c'est pour ces patients-là qu'il y a des nouveaux traitements qui se développent. Mm-hmm. Voilà, déjà, ça c'est bien. C'est-à-dire que là, les traitements puis, qui existent pour lesquels il y a actuelle... des efforts de recherche à faire. Ouais, les traitements aujourd'hui, donc pour les asthmes sévères sont arrivés, on pourrait dire, presque à des limites. Alors, vous savez, c'est les corticoïdes par voie générale qui sauvent les sujets asthmatiques sévères. Les asthmatiques sévères doivent en prendre souvent, parfois elles doivent en prendre tous les jours. Mais depuis quelques années, il y a des nouveaux traitements qui font le même travail que les corticoïdes, mais en étant vraiment ciblés sur les molécules qui sont responsables de l'inflammation, de sorte que on peut avoir l'effet des corticoïdes sans avoir les effets secondaires. Mais ce sont des traitements qui, en étant ciblés, ne s'adressent qu'à certains patients, mais ils changent la vie des malades. Oui. On va y revenir, bien sûr, hein, tout au long de l'émission. Camille Taillé, encore un mot sur l'environnement qui peut favoriser justement la survenue de l'asthme avec les différents facteurs. Le froid, la poussière, le tabac, tout ça, c'est bien connu. Hein. Mmh. Mais on pourrait rajouter les produits ménagers. Ça s'est démontré que plus vous avez de sprays ménagers à la maison, plus vous avez le risque de devenir asthmatique ou d'avoir un asthme mal contrôlé. Tous les composés organiques volatiles que vous pouvez retrouver dans une maison, qui parfois viennent des émanations des meubles en contreplaqué, qui peuvent venir des peintures, ce sont des éléments qui peuvent aggraver l'asthme. Et puis après, il y a également les moisissures, qui sont un élément très important, non pas par le biais de l'allergie, mais souvent parce que les moisissures de l'intérieur produisent aussi des composés organiques volatiles qui sont des éléments irritants. Et puis après, on peut rajouter également toute la pollution atmosphérique qui également contribue d'une part à aggraver les symptômes d'asthme chez les gens qui sont des asthmatiques et qui probablement contribuent également au développement des nouveaux cas d'asthme chez les enfants qui ne seraient pas asthmatiques. Alors on va écouter un son d'actualité, c'est Anne Tsikopoulos qui est pneumo-allergologue et qui va parler dans ce qu'on va entendre justement des cas d'asthme en augmentation dans les milieux aseptisés par rapport aux enfants qui vivent plutôt à la campagne. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. On s'est aperçu qu'un certain environnement microbien, justement très tôt dès la naissance, peut protéger contre le développement de l'asthme. Et c'est très intéressant, c'est des études qui ont été faites en comparant donc des enfants nés dans des environnements fermiers par rapport à des enfants nés habitant un environnement urbain. Et donc ils ont montré que les enfants qui vraiment vivaient à même la paille, à côté des vaches, qui buvaient le lait non stérilisé de la vache directement, développaient beaucoup moins de maladies allergiques et notamment donc d'asthme que les enfants qui vivaient en zone urbaine. Alors, Antoine Magnan, Camille Taillé, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre là? C'est vraiment quelque chose qui a été vérifié scientifiquement? Oui, la théorie hygiéniste, il y a des données très solides et chez l'animal et chez l'humain pour valider ces données-là. Ce que ça montre surtout, c'est que l'augmentation de la prévalence de l'asthme, c'est probablement une maladie de notre environnement en fait. Et que s'il y a de plus en plus d'asthme dans les populations occidentales, c'est un mélange de l'augmentation de la pollution atmosphérique, de la pollution industrielle, de notre mode d'alimentation, parce qu'on sait que l'alimentation occidentale, riche en graisses, pauvre en légumes et en fruits, favorise également le développement de l'asthme. C'est une maladie de la sédentarité, parce qu'on sait qu'il y a directement une corrélation entre le risque d'être asthmatique et son activité physique. ou son défaut d'activité physique. C'est une maladie qui est liée à l'obésité aussi, et donc c'est pour ça que c'est une maladie qui est complexe à envisager sur le plan de la physiopathologie, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui influencent, et globalement c'est notre mode de vie en général qui influence le développement de la maladie. Ouais, Antoine Magnan, il faut se confronter à la diversité bactérienne pour essayer d'aller un peu mieux ou pas? Donc c'est vraiment le mode de vie sur lequel a insisté Camille à l'instant qui est important, c'est-à-dire dans sa globalité, donc c'est difficile d'individualiser vraiment les choses, mais en ce qui concerne les microbes, il y a vraiment quelque chose, et il y a vraiment quelque chose qui est intéressant parce qui est modulable. Et en fait, autant la théorie hygiéniste, elle est née en regardant l'évolution du mode de vie et notre rapport aux microbes au quotidien, autant maintenant, la façon qu'on a de la regarder, elle relève beaucoup plus du microbiote, qu'il s'agisse du microbiote de la peau, de l'intestin, celui qu'on connaît le mieux, mais aussi du microbiote pulmonaire, c'est-à-dire les microbes avec lesquels nous vivons en bonne intelligence tous les jours dans les poumons. Et probablement que des modulations, des transformation de ce microbiote sont à la fois la cause de certains asthmes, très probablement, mais c'est pas encore prouvé. Et en jouant sur la composition du microbiote, on peut probablement avoir une action sur l'asthme et sur la prévention de l'asthme. Et ça, c'est un axe vraiment essentiel pour les années qui viennent. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de questions pour vous sur le mail de France Inter et sur celui de la Tête au Carré en l'occurrence. Franceinter.fr, le mot clé, l'attaque. Et aujourd'hui, donc, 20e édition de la Journée mondiale de l'asthme. C'est le dossier de la Tête au Carré. J'ai peur du loup, encore peur du vide. J'ai peur, j'avoue, d'être un peu fragile. Mais j'aime bien, j'aime bien être un peu voyou. Quelquefois, par-dessus tout, être toi et moi. J'aime bien, j'aime bien. Déchirer quelques lignes, faire des boules de papier, m'adapter, accepter. Mais j'aime pas le mois d'août. Belle sueur, c'était Malik Judy. La Tête au Carré. Chez les enfants, il y a environ 10% des enfants qui ont de l'asthme, ce qui est en forte augmentation par rapport aux chiffres qu'on avait il y a 20 ans. Voilà, l'asthme, notre dossier cet après-midi avec Antoine Magnan en duplex de Nantes, pneumologue, tout comme Camille Taillé de l'hôpital Bichat qui est également avec nous. Camille Taillé, on le disait, chez les enfants, hein, il y a une augmentation, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, des cas d'asthme. Il y a de nouveaux cas qui continuent, ouais. D'augmenter, oui. Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs. Charline nous dit, mon fils a été hospitalisé à un mois pour une bronchiolite, il a maintenant 5 mois et fait de l'asthme du nourrisson. Est-ce qu'il y a un risque qu'il soit asthmatique par la suite, hein? Alors, en théorie, il faut considérer que tout asthmatique qui a fait une crise restera asthmatique toute sa vie. Avec un bémol pour les petits-enfants, quand l'asthme démarre très tôt, il y a des formes particulières qui effectivement peuvent se résoudre. Ouais. Mais dans l'immense majorité des cas, on considère que l'asthme, c'est une maladie chronique qu'actuellement, on n'est pas capable de guérir avec aucun des traitements qu'on donne, que ce soit les corticoïdes inhalés ou les nouveaux traitements de l'asthme sévère dont Antoine Magnan a parlé tout à l'heure. Ce sont des médicaments qui suspendent les symptômes mais qui ne guérissent pas la maladie. Donc si on a fait une crise d'asthme un jour, on reste asthmatique toute sa vie, avec en revanche des périodes de rémission qui sont possibles. Et des intensités de symptômes qui peuvent varier dans la vie. Oui, puisque Alain nous dit en nous envoyant ce témoignage, mon fils étant petit a souffert d'asthme et traité à la ventoline. Il a aujourd'hui 27 ans et ne souffre plus du tout. Et il se demande justement, Antoine Magnan, si cette maladie peut ressurgir. Donc si je comprends bien, ça peut être le cas quand même, hein. Oui, ça peut toujours être le cas, mais bon, après, c'est une maladie capricieuse, avec une histoire naturelle sur une vie qui finalement est longue, qui est imprévisible, et donc il peut y avoir des périodes de plusieurs années très actives, où on va avoir besoin de prendre vraiment des traitements tous les jours, et quand on va les arrêter, ça va revenir, et puis des années de rémission, où l'asthme peut disparaître. Alors bon, ça, c'est quand même pour des asthmes qui sont légers à modérés et oui. Cette personne, c'est probablement le cas puisqu'elle avait besoin que de ventoline finalement étant petite, oui. C'est-à-dire un petit traitement. Alors Jean-Philippe nous envoie un autre message en disant ceci, de plus en plus de médecins donnent à tour de bras de la ventoline aux enfants qui ont des rhumes et autres, comment ne pas faire un rapprochement entre ces médicaments donnés sans aucun rapport avec la maladie et la progression de l'asthme, Antoine Magnan? Bon, je pense que il est très important de faire un diagnostic précis. Il est important de ne pas traiter par excès des enfants ou des personnes adultes, hein, aussi qui, parce que elles ont une toux pendant quelque temps, pourraient être étiquetées comme de l'asthme. Mais le plus important, c'est probablement quand même l'inverse, c'est-à-dire des patients qui sont authentiquement asthmatiques, pour lesquels on ne met pas cette étiquette d'asthme pour des raisons diverses et variées, probablement sociétales, culturelles, et qui du coup sont dans une errance diagnostique et n'ont pas accès aux traitements qui sont simples et qui leur permettraient d'avoir une vie normale. C'est vraiment le parcours de soins du patient asthmatique sur lequel il faut insister et une forme d'errance diagnostique qui continue à exister actuellement. Très étonnant quand même, hein, Camille Taillé. Oui, alors le diagnostic d'asthme, paradoxalement, c'est difficile à faire parce que souvent les malades consultent en médecine générale au moment où ça va pas bien, une période où il y a des sifflements, de la toux, une gêne nocturne, etc. Et donc c'est compliqué de dire est-ce que c'est une simple bronchite, est-ce que c'est de l'asthme, etc. Et donc on traite et on a du mal à mettre juste sur un épisode aigu un diagnostic. En revanche, c'est très important, comme le disait Antoine Magnan, de revenir après voir le médecin pour dire est-ce que cet épisode aigu, débriefer un peu, est-ce que c'était de l'asthme ou pas, est-ce qu'il reste des symptômes et est-ce qu'il y a besoin finalement de mettre en place un traitement. Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais le traitement de l'asthme, ce n'est pas la ventoline. La ventoline, c'est le traitement de secours, c'est le traitement qui ouvre la bronche au moment où ça ne va pas bien. Mais on l'a dit tout à l'heure, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire et qui dit inflammation, dit que le traitement, ça doit être un anti-inflammatoire. Et la base du traitement de l'asthme, c'est les corticoïdes qu'on donne par voie inhalée. Et donc c'est très important, une fois qu'on a fait ce diagnostic d'asthme, de mettre en place le traitement et ça veut dire des corticoïdes par voie inhalée pendant une période qui va généralement être très longue. Antoine Magnan, ce message de Vincent qui nous dit « J'ai 45 ans, ma première crise d'asthme, c'était il y a 35 ans. À l'époque, on m'a prescrit de la ventoline. Aujourd'hui, on me prescrit toujours de la ventoline. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de progrès en 35 ans? Non, alors ça, c'est pas exact. Mais comme vient de le dire Camille, la ventoline est un traitement qui n'est pas le traitement de fond de l'asthme, c'est un traitement des symptômes. Donc, il est normal qu'on continue à en donner. Mais il faut pas donner la ventoline toute seule. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un traitement de fond. Et je pense qu'il y a eu quand même des étapes vraiment importantes, hein. Dans les années 80, l'arrivée des corticoïdes inhalés qui a fait que la plupart des asthmes ne sont plus jamais hospitalisés, qui a transformé la prise en charge de cette maladie-là. Dans les années 90, les bronchodilatateurs de longue durée d'action qu'on donne maintenant associés aux corticoïdes inhalés qui ont encore amélioré le contrôle de l'asthme et la vie quotidienne des asthmatiques. Et puis maintenant, l'arrivée de biothérapies ou de techniques endoscopiques comme la thermoplastie qui sont réservées aux asthmatiques les plus sévères, mais qui font qu'il y a une véritable panoplie, enfin il y a un arsenal thérapeutique dans l'asthme qui devient vraiment intéressant et qui plaide pour qu'on fasse le diagnostic, qu'on s'aide pour traiter ces patients des spécialistes et qu'on puisse avancer avec des traitements qui sont personnalisés. Je l'ai déjà dit une fois, je le redirai plusieurs fois. Camille Taillé, il faut parler de l'asthme modéré hein, parce qu'on a évoqué l'asthme sévère. Quelle est la part des deux, d'ailleurs, dans la maladie? Bon, on considère que l'asthme sévère, c'est 5 à 10% des asthmatiques, donc c'est une petite frange des patients. Mais l'immense majorité des patients ont une maladie qui, on pourrait dire, légère à modérée. Mm-hmm. Et il ne faut pas oublier que ces 90% d'asthmatiques, avec des corticoïdes inhalés pris régulièrement, peuvent être contrôlés et peuvent avoir une vie complètement normale. Mmh. Ce qui n'est pas le cas en France, hein, puisqu'on sait que la moitié des asthmatiques ne sont pas bien contrôlés, c'est-à-dire que leur maladie reste active, alors qu'on aurait probablement les moyens de le faire, parce que le traitement n'est pas adéquat, on va dire. On va écouter 3 témoignages différents, vous allez les entendre à la suite, sur les différents aspects de la maladie, l'aspect handicapant évidemment, les douleurs et les effets secondaires des médicaments. On écoute ça et on le commente ensemble juste après. Le pneumologue qui me soignait à Toulouse m'avait dit « il faut partir, il faut aller à cet endroit-là ». Et je l'ai regardé un peu perplexe en disant « et vous pensez qu'en déménageant, je vais guérir ?» Et ça a été très très dur parce que j'avais 37 ans, on venait de construire une maison, nos enfants étaient jeunes, on avait un travail, mon épouse et moi-même, et j'étais persuadé que le fait de partir n'allait rien changer. Jusqu'au jour où j'ai été dans l'obligation de quitter Toulouse et incapable de travailler parce que je tenais pas debout. Il y a 17 ans, j'ai fait ma dernière grosse crise d'asthme et j'étais tellement mal, j'avais l'impression qu'on me passait un chalumeau dans les poumons. Je souffrais tellement, j'étais assise au bord de mon lit et je disais, j'ai juste envie que ça s'arrête, j'ai juste envie de mourir, je veux plus continuer. Dans ces conditions, on arrête tout. Bah, les médicaments ont fait que malheureusement les corticoïdes et tout ont déclenché chez moi un diabète. Enfant, j'étais mince, maintenant je suis devenue obèse. Faut pas se cacher les mots. C'est douloureux. Ça fait partie des choses douloureuses, mais bon. Voilà, 3 témoignages sur les différents aspects de la maladie. Camille Taillé, on peut commenter peut-être le dernier sur les effets secondaires, les cas d'obésité, ça c'est quelque chose de fréquent? Alors, les effets secondaires, là, tels qu'ils sont décrits, sont les effets secondaires des corticoïdes donnés par voie orale. Ouais. Il faut bien rappeler que les corticoïdes par voie inhalée, ceux qu'on donne en traitement de fond chez tous les asthmatiques, y compris chez les petits-enfants, les doses sont des microgrammes qu'on met dans les bronches, avec un passage dans le sang qui est extrêmement faible, qui existe, mais qui est extrêmement faible, et qui ne donne pas d'obésité. Ça, je pense que c'est très important de rassurer les patients sur le fait que les corticoïdes inhalés ont largement beaucoup moins d'effets secondaires que les corticoïdes oraux. Les corticoïdes oraux, en effet, sont responsables de beaucoup d'effets secondaires, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose. Ça peut donner des cataractes, ça fragilise la peau, ça donne des hématomes. Et d'autant plus qu'on en prend beaucoup et d'autant plus qu'on en prend pendant longtemps. Donc c'est clair que les corticoïdes à la fois sauvent la vie des patients au moment des poussées d'asthme, mais en même temps, par ailleurs, ont des effets secondaires qui sont insupportables. Et c'est là la grande force des biothérapies dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça permet chez ces malades sévères de réduire la consommation de corticoïdes sans avoir ces effets secondaires. Et quand Bruno dit dans son message « Je prends un traitement de fond par inhalation de corticoïdes depuis presque 10 ans et s'il y a un danger pour l'organisme à terme et s'il existe des alternatives », qu'est-ce que vous lui répondez alors ? Qu'il n'y a pas de médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire. Donc effectivement, les corticoïdes inhalés pendant très longtemps peuvent avoir un petit effet sur la diminution de la densité osseuse, un petit effet sur les surrénales qui est extrêmement faible, qu'on peut surveiller régulièrement. Mais actuellement, il n'y a pas d'alternative. Quand l'asthme est modéré et qu'il est bien contrôlé avec les corticoïdes, il faut garder les corticoïdes inhalés. Antoine Magnan, il y avait l'aspect douleur aussi de la maladie, hein, de cette femme qui décrivait vraiment un chalumeau passé sur les bronches, donc le témoignage était assez fort, mais vous nous l'aviez dit déjà au micro, il faut se rendre compte qu'avoir de l'asthme dans les cas très sévères, c'est comme de respirer à travers une paille en se bouchant le nez, hein, c'est ça ? Oui, le chalumeau, c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose... On peut partager cette expression-là, on peut être compris quand on parle de ça. Et Camille disait tout à l'heure, l'asthme, ça se voit pas. Donc pour exprimer ce qu'on ressent, quelquefois, il faut avoir des mots très fort. Et ça, c'est un mot très fort. Alors, ça évoque la brûlure, ça évoque la douleur. Et il y a des travaux maintenant qui montrent que ce que ressent un patient asthmatique qui n'est ni une brûlure, ni une douleur, mais un essoufflement, et bien la souffrance induite est comparable. Donc le terme de chalumeau, il reflète bien ce que ressentent ces patients-là. Et puis il reflète aussi, et ça c'est intéressant, c'est l'inflammation, du chalumeau à l'inflammation. Il y a vraiment une analogie. Et donc ça, c'est intéressant pour appréhender la vérité, la réalité de cette maladie-là et comprendre que c'est bien un traitement anti-inflammatoire qui est nécessaire. Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de ce dossier consacré à l'asthme à l'occasion de la 20e édition de cette journée mondiale. Et vous êtes sur France Inter. It's still in San Diego. You can hear a baby cry. As the trains in New York City. Roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is, but he is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington receive their briefing proof, while Letty fills the pipeline. C'était Duran Jones and the Indication. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Antoine Magnan, Camille Taillé sont mes invités et tous les deux pneumologues pour répondre à vos questions au sujet de l'asthme. Paul nous écrit, le médecin du sport n'a pas donné son accord pour que notre enfant de 15 ans asthmatique fasse de la plongée. Peut-il espérer un jour s'adonner à cette activité, Camille Taillé? Ça fait vraiment partie des sports qui sont vraiment pas indiqués chez les asthmatiques. Peut-être qu'il pourra un jour en faire, mais il faudra que sa maladie soit totalement bien contrôlée avec le traitement et avec une fonction respiratoire strictement normale. Antoine Magnan, est-ce qu'on peut guérir de l'asthme d'effort, demande Fabienne sur le site de la Tête au Carré. Bon, on a dit tout à l'heure qu'on guérissait pas de l'asthme, mais qu'il pouvait y avoir des périodes qui, sur des années, où il n'y avait plus du tout de symptômes, donc c'est, d'autant plus que l'asthme est léger. Donc c'est vrai que s'il s'agit d'un asthme qui est déclenché uniquement à l'exercice, donc vraiment l'asthme à l'effort uniquement, ce sont des asthmes légers et ce sont des asthmes qui sont à même de rester tranquilles. On peut quand même faire passer le message que le sport, il est utile à l'asthmatique et qu'il est important de ne pas éloigner l'asthmatique des activités sportives. Ouais. Sandrine nous dit merci de ne pas oublier de signaler que l'asthme se manifeste aussi par des crises de toux incessantes qui peuvent durer plusieurs jours. Oui, Camille Taillé. C'est vrai. Ouais. Alors, Antoine Magnan, répondez. Non, mais voilà, on connaît aussi bien. Oui, bien sûr. La toux, c'est un symptôme qui est souvent négligé. Et c'est vrai que c'est bien ce que dit cette patiente. C'est-à-dire qu'on pense toujours au grand essoufflement, les sifflements, etc. Et la toux, c'est vraiment quelque chose qui empoisonne au quotidien, qui désorganise le sommeil, qui provoque des énurésies, des pertes d'urine chez les femmes, qui est vraiment quelque chose qui est parfois handicapant, dont on n'ose pas parler. Donc la toux, c'est vraiment un symptôme important. Camille Taillé, ça fait partie des sujets dont on peut parler aussi dans le cadre de cette journée mondiale, autour de l'entourage aussi. Hein. Oui, bien sûr. La façon de vivre. Parce que les symptômes sont gênants pour le patient, mais peuvent également être gênants pour le conjoint qui entend son conjoint tousser toute la nuit. C'est angoissant pour les enfants qui voient les parents essoufflés. Donc effectivement, le retentissement de la maladie, il va au-delà du patient, il s'étend au cercle familial. Céleste demande, je suis femme de ménage et depuis maintenant 3 ans, j'ai des crises d'asthme et d'allergie, alors que jusque-là, je n'ai eu aucun problème. Peut-on devenir asthmatique à cause des produits de ménage? Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'asthme professionnel, je crois que les produits ménagers sont les premiers responsables. Donc, si elle a un asthme professionnel, un, il faut qu'elle soit traitée. Deux, il faut absolument qu'elle consulte le médecin du travail parce qu'il faut mettre en place des mesures pour ne pas l'exposer aux produits qui sont irritants et qui vont l'aggraver. Donc, les produits ménagers, oui, c'est extrêmement toxique. Alors, on ne sait pas forcément quelles sont les molécules en cause, mais beaucoup de nettoyants sont responsables d'asthme professionnel. Mais alors, en cas de non-exposition à nouveau de cette dame aux produits ménagers, est-ce qu'elle pourrait espérer justement soigner totalement, guérir de son asthme ? Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut qu'elle puisse... Dans un cas comme ça, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut qu'elle puisse s'éloigner le plus rapidement possible des produits qui sont responsables, sachant que malheureusement aussi, on sait que parfois dans l'asthme professionnel, l'irritant sert de trigger, de déclencheur à la maladie, et après même en l'absence d'exposition, la maladie continue d'exister. Ouais. Et c'est pour ça que c'est urgent qu'il faut qu'elle consulte. Antoine Magnan, Élodie nous dit qu'elle est ancienne fumeuse, elle souffre de BPCO. Les traitements de l'asthme sont-ils les mêmes que ceux de la BPCO dont vous nous redonnez la traduction, s'il vous plaît, en bon français ? La bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie qui est aussi fréquente que l'asthme, qui est extrêmement fréquente et qui est due essentiellement au tabac. Voilà. Alors, c'est pas. Les traitements sont souvent les mêmes parce qu'on utilise les bronchodilatateurs et dans certains cas, on utilise les mêmes anti-inflammatoires. Pour autant, le type d'inflammation n'est pas la même et malheureusement, elle est plus difficile à traiter. Oui. Et puisqu'il y a dans la BPCO et qu'il n'y a pas dans l'asthme, c'est une destruction du tissu pulmonaire lui-même. C'est pour ça que la BPCO peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'oxygène tout le temps ou que la nuit ou en permanence parfois, alors que l'asthme évolue très rarement de cette façon-là. L'asthme évolue par crise. Mais quelquefois, la distinction est pas facile à faire. C'est à nouveau la raison pour laquelle l'intervention du spécialiste est essentielle. Et puis aussi, puisque ce sont deux maladies fréquentes, malheureusement, il peut y avoir l'intrication des deux maladies. Et donc, dans ces cas-là, il faut arriver à faire la part des choses et à attribuer le traitement de la BPCO pour la bonne partie de la maladie et le traitement de l'asthme pour l'autre. Jérôme nous dit sur franceinter.fr, pour les traitements, vous ne parlez que de traitements médicamenteux. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions naturelles, alternatives, validées ? Camille Taillé. Alors, je ne connais pas de solution alternative validée scientifiquement, mais après, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui font du yoga, par exemple, qui, à mon avis, peut beaucoup aider à contrôler son souffle. Et donc, c'est pas contre-indiqué de d'avoir des techniques alternatives, du moment qu'elles sont associées à la corticothérapie inhalée. Allez, Antoine Magnan, pour Et puis bouger, je pense que ça, il faut le rajouter. C'est une technique naturelle qui est pas alternative, mais la réhabilitation respiratoire fait partie parfois du traitement et le fait et permet de diminuer la sensation d'essoufflement. Mm-hmm. Et donc ça vaut vraiment la peine de bouger et de faire de l'exercice. Les biothérapies, la médecine personnalisée, Antoine Magnan, ça, ce sont les pistes de recherche les plus intéressantes aujourd'hui sur lesquelles on travaille. Oui, alors effectivement, l'idée c'est d'aller vraiment cibler les mécanismes fins de la maladie asthmatique. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces mécanismes diffèrent d'un patient à l'autre. Et donc, ce sont de petits groupes de patients que l'on va traiter par telle biothérapie. Mais à partir du moment où on en a plusieurs à notre disposition, eh ben, on a l'espoir de traiter beaucoup de malades. Ce sont des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre les molécules qui sont responsables de l'inflammation et donc qui s'administrent par voie sous-cutanée de façon régulière, qui ont très peu d'effets secondaires, voire pas pour la plupart des patients, et qui permettent d'être une alternative à la corticothérapie par voie générale. C'est comme ça qu'il faut les voir. Et donc, évidemment, pas les effets secondaires des corticoïdes par voie générale. Et aussi, en disant cela, on voit bien qu'on s'adresse aux patients asthmatiques sévères, ceux qui ont besoin des corticoïdes par voie générale. Bon, et sur les traitements personnalisés, vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'hétérogénéité de l'asthme, hein, d'où l'intérêt peut-être de cibler plus qu'à mitailler les traitements. C'est déjà comme ça qu'on procède, en fait, parce qu'on a trois biothérapies actuellement qui sont commercialisées en France. Une qui est pour les patients allergiques, donc d'où l'intérêt de faire le diagnostic de l'allergie. Les deux autres qui sont pour les patients éosinophiles, c'est-à-dire ceux qui ont certaines cellules dans le sang. Et puis après, il nous reste un groupe de patients pour qui, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. C'est les patients qui n'ont ni allergie ni éosinophilie. Donc on fait déjà de la médecine personnalisée et probablement, au fur et à mesure des années, on va progresser et on va avancer dans la décortication des sous-groupes. Merci beaucoup en tout cas. On peut citer la thermoplastie peut-être comme traitement aussi qui fait partie de l'arsenal thérapeutique, qui est un traitement endoscopique qui permet de s'adresser à ces patients qui n'ont pas accès parce qu'ils ne correspondent pas à la bonne catégorie aux biothérapies. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Antoine Magnan depuis les studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Merci aux équipes de là-bas et Camille Taillé qui était avec nous en studio. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui donc 20e édition de la journée mondiale de l'asthme. Toutes les infos sur le site de la Tête au Carré. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Voilà, on reste dans la santé. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. La vaccination préventive contre le cancer du col de l'utérus qui suscite une nouvelle polémique. Eh oui Mathieu, les vaccins Gardasil et Cervarix sont toujours aussi controversés depuis leur commercialisation en 2007. Alors, quoi de neuf? Eh bien, c'est une bataille de communiqués de presse entre les pour et les contre. Cette bataille démarre le 25 mars avec un appel à la généralisation de cette vaccination aux garçons, notamment parce qu'ils participent à la circulation du virus. Les 50 signataires de cet appel sont des académies, des sociétés savantes, des personnalités scientifiques médicales et même des associations de patients. Donc le bon et l'arrière-bon médical, à l'exception notable des sociétés savantes de médecine générale. Or justement, 14 médecins généralistes et un pharmacien hospitalier ont publié cette semaine dernière un droit de réponse à cet appel des 50. Qui a raison? En fait, les auditeurs intéressés trouveront le lien entre les deux communiqués sur la page de ma chronique et pourront se faire leur propre opinion. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ou plutôt ce qui m'inquiète, c'est la forme plus que le fond. C'est-à-dire, Dominique? Eh bien, l'appel des 50, celui qui appelle donc à doubler le nombre de vaccinés, est très dogmatique et finalement peu documenté. On y trouve des promesses de victoire historique contre le cancer sur un ton emphatique qui évoque plutôt un discours politique que scientifique. Or, à ce jour, cette vaccination est encore un pari sur l'avenir, car on n'a toujours pas la preuve qu'elle diminue le risque de cancer du col de l'utérus. Et du côté des contestataires, alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je précise qu'il ne s'agit pas d'antivaccinaux. Ce sont en majorité des médecins généralistes, connus pour leur rigueur et leur indépendance, universitaires ou blogueurs scientifiques. Ils dénoncent l'appel des 50 au nom de l'intégrité et de la raison. Ah oui, rien que ça. Mais vous allez voir qu'ils ont des arguments sérieux. Alors, commençons par l'intégrité. Savez-vous, Mathieu, combien les signataires de l'appel des 50 pour une vaccination généralisée ont reçu de financement de la part des industriels produisant ces vaccins? Non, pas du tout. 1 600 000 euros. 1 600 000 euros. Alors, je précise que pour moi, un financement industriel, surtout lorsqu'il est lié à des recherches, n'est pas critiquable en lui-même. Il n'y a souvent pas d'autre choix. Mais la décence, l'éthique impose alors de rester à l'écart des polémiques qui concernent ses partenaires industriels. On en est loin avec cet appel qui induirait, s'il était entendu, une augmentation du chiffre d'affaires du Gardasil et du Cervarix de plusieurs milliards d'euros les premières années, puis de 200 millions d'euros chaque année. En effet. Alors, après l'intégrité, la raison. Ce qui m'a frappé dans ce droit de réponse, c'est sa solidité scientifique, ses affirmations sourcées et fiables qui contrastent cruellement avec le paternalisme de l'appel des 50. À l'heure où l'on parle beaucoup de fake news, je constate qu'un aéropage d'académies et de sociétés savantes publie un appel contenant des affirmations discutables et dont l'argumentaire finalement ne fait pas le poids face au travail de fond d'une quinzaine de médecins bénévoles. Je ne sais pas où tout ça nous emmène, mais ça m'inquiète. Et on réécoute cette chronique sur franceinter.fr. Santé polémique, Dominique Dupagne, merci beaucoup. Merci beaucoup à Paul Percheron qui était à la technique et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.